Mosaïque. Bonjour fidèles de l'émission Mosaïque. Au micro, Pacifique Chubahiro. Le 22 et 23 février a été tenu le 19e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Plusieurs décisions ont été prises, dont celle qui intéressait le Burundi. Au chapitre du dialogue inter-burundais, le facilitateur Benjamin Mkapa a été reconduit au moment où certains politiciens annonçaient déjà sa probable démission une journée avant. Pour le pouvoir de Bujumbura, le premier vice-président de la République qui avait représenté le Burundi à ce sommet affirme que le gouvernement souhaitait un rapatriement de ce dialogue pour qu'il soit mené à l'intérieur du pays plutôt que de se poursuivre à Arusha en Tanzanie. Du moment que le gouvernement burundais affirme qu'il reste peu de questions qui manquent de consensus, d'où l'intérêt du rapatriement de ce dialogue, l'opposition quant à elle en appelle à la communauté internationale et à la sous-région pour soutenir ce dialogue qui peine à faire des avancées sur des questions sensibles. À travers différentes positions, on se demande quel est l'avenir du dialogue extérieur inter-burundais au regard de la position des chefs d'État de la communauté est-africaine. Le 19e sommet des chefs d'État de l'EAC a-t-il permis au dialogue de prendre un autre élan? Comment appréciez-vous le rôle de la communauté est-africaine sur le dialogue inter-burundais? Où se trouve le blocage dans ce dialogue? Comment cheminer rapidement vers une solution à l'issue de ce dialogue? Voici les principales questions qui feront objet de notre débat. Et pour en parler, nous sommes avec quatre invités. Nous accueillons à ce studio ambassadeur Willy Nyamitwe, conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous accueillons également Pierre Claver Nahiman, secrétaire général du parti Sarwanya Frodebou. Bonjour et bienvenue dans ce débat de Mosaïque. Bonjour et merci et toutes mes salutations à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Nous accueillons également dans ce studio Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti IPRONA. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. L'autre invité, c'est Pierre-Célestin Dikoumana, député élu au sein de la coalition Amizero Barundi. Bonjour et bienvenue à ce débat. Bonjour et merci de l'invitation. Bonjour à tous nos auditeurs. Pacifique Chubahiro assure l'animation de Mosaïque. La réalisation de cette émission est assurée par Jérôme Nyonzima. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. À vous tous à l'écoute. Nous vous souhaitons encore une fois de rester fidèles à l'émission Mosaïque. Mosaïque. Ambassadeur Willy Nyamitwe, quel a été le constat général à l'issue du 19e sommet des chefs d'État de l'EAC? Avant d'aller vers le constat, permettez-moi de rectifier une chose dans votre introduction. Quand vous dites que le dialogue inter-burundais peine à faire des avancées, je pense que c'est une affirmation gratuite, une affirmation aux allures de l'opposition. J'ai repris ce que l'opposition avance. Voilà, mais cela dit, le 19e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est bien déroulé et le Burundi a pu faire entendre sa voix. Plusieurs projets ont été adoptés et vont être mis en œuvre par la communauté. Et aussi, le Burundi a pu, encore une fois, convaincre la communauté, convaincre le monde, convaincre la communauté internationale que, au Burundi, la situation est tout à fait normale. Les institutions démocratiquement élues sont en place. La situation sociopolitique est des plus normales. Malgré certains dires de certains détracteurs qui continuaient à essayer de manipuler l'opinion qu'au Burundi, il y a le feu. Il n'y a pas le feu. Au Burundi, le peuple vaque paisiblement à ses occupations quotidiennes. Merci Pierre Claver Nahiman. Au niveau du Frodebou, vous avez entendu ambassadeur Willy Nyamitwe. Est-ce qu'au niveau du Frodebou, vous avez été satisfait par la décision ou la position à l'issue du sommet de l'EAC? Oui, si on analyse ce qui se passe dans le processus de paix au Burundi, qui est conduit par la communauté est-africaine. On constate quand même qu'il y a des ratés. Il faut d'abord dire que le sommet a suivi la dernière réunion de dialogue qui s'était tenue à Arusha, en Tanzanie. Vous vous souviendrez qu'à ce moment-là, ceux qui étaient partis au dialogue à Arusha étaient revenus au Burundi sans aucun accord. Vous vous souviendrez aussi que le facilitateur à cette époque-là avait bien dit qu'on était arrivé à un échec. Et les dernières déclarations que l'on a entendues de la part du facilitateur, c'est de dire que forcément on constatait que l'East Africa ne s'occupait pas sérieusement de ce problème. Il a dit clairement. Donc, si on constate maintenant ce qui s'est passé lors du sommet dernier des chefs d'État, vous allez voir que la plus grande partie de ce qui s'est passé dans ce sommet, c'était plutôt les questions d'ordre économique. De ce côté-là, on pourrait dire qu'il y a une avancée parce qu'il y a des décisions qui ont été prises. Mais si on regarde le communiqué, vous verrez que, en ce qui concerne le dialogue, c'était tout juste une phrase qui est passée inaperçue. Donc, pour dire qu'il y a eu vraiment un non-lieu, l'événement n'a pas eu lieu. Donc, c'est beaucoup plus des résultats mitigés lorsque ces chefs d'État se sont réunis. Donc, ils n'ont pas réellement abordé le problème. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe lorsque vous dites que la communauté est-africaine ne s'occupe pas vraiment de la question du dialogue, alors que l'ensemble de la communauté internationale, l'ONU et d'autres organisations ont confié cette tâche à la communauté? Oui, si on analyse comment les choses se passent, surtout lorsque l'on a participé notamment aux négociations qui étaient conduites par le président Mandela et le président Nyerere, et qu'on essaie de comparer ce qui s'est passé à cette époque avec ce qui se passe maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de différences. À cette époque, il y avait le président Mandela et le président Nyerere qui étaient très bien respectés dans la région et en Afrique aussi, et qui avaient un leadership très fort. C'était le médiateur. Lorsqu'ils abordaient un problème, ils allaient jusqu'au bout, ils le terminaient. Actuellement, si on regarde ce qui se passe, vous avez le facilitateur et le médiateur. Le facilitateur, lui, il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas. Il n'a pas le rôle de médiateur, non. Son rôle, c'est de uniquement réunir les gens, les mettre ensemble pour qu'ils parlent. Il ne va pas au milieu pour essayer de les aider à résoudre un problème. Tandis que le médiateur, c'est le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, qui apparemment, si vous regardez depuis 2015 jusqu'à maintenant, quel est le rôle qu'il a joué, vous pouvez compter les interventions qu'il a faites sur ce dossier-là. Vous allez compter sur les doigts. On dirait qu'il n'a vraiment pas le temps de s'occuper de ce problème. Ce qui fait que le processus, vous allez constater qu'il y va au ralenti. Ce qui fait que les résultats sont très mitigés. Le problème est là. Merci, je me retourne du côté de l'IPRONA, Olivier Mourounziza. Est-ce qu'au niveau de l'IPRONA, vous avez été satisfait de l'issue du 19e sommet des chefs d'État de l'EAC? Au niveau du parti IPRONA, effectivement, nous sommes très satisfaits. Vous savez, en conclusion de la 4e session qui s'est tenue à Arusha au mois de décembre, bien entendu, il faut tenir compte qu'il y avait d'abord une note qui a été produite par Monsieur Mukapa avec la facilitation, ou bien sûr au niveau des différents politiciens qui étaient à Arusha avaient bien sûr donné leur position. Après avoir confronté tous ces points, on avait dégagé les points de consensus, de divergence et les points de convergence. Au niveau du parti IPRONA, même dans le document qu'on a produit, on n'a jamais nié que Mukapa continuera à à continuer à suivre le dialogue interburundais. Ce qu'il faut différencier, c'est la place et le mandat du facilitateur. Quand on avait dit qu'il faut rapatrier le dialogue au Burundi, dans ce cas, on n'avait pas dit que le médiateur n'a pas de confiance au sein des politiciens. L'UPRONA soutient le rapatriement du dialogue. Au niveau du parti UPRONA, nous avons demandé qu'effectivement, après avoir vu les politiciens qui étaient à Arusha, presque tous les politiciens venaient du Burundi. Regardez Gwasa, regardez Frodebou, nous étions ensemble, regardez l'UPRONA, CNDD, FDD, presque tout le monde, les 40 partis politiques qui étaient à Arusha, tous venaient du Burundi. Et les politiciens qui venaient de l'extérieur étaient au nombre peut-être de 4, de 5. Alors, tenant tout de ce monde qui se déplace vers Arusha, le parti UPRONA, tenant compte même de la période 2018, où nous comptons effectivement entrer dans la période de des préparatifs des élections. Il est bon que les politiciens burundis reviennent ici au Burundi pour échanger sur toutes ces questions. Mais sans toutefois nier que ça vient effectivement de la volonté du programme du facilitateur ou de la médiation. Une fois la médiation décide que le dialogue se passe ailleurs qu'au Burundi, même en dehors du Tanzanie, le parti UPRONA ne peut pas quand même ne pas participer. Mais le souhait est que, tenant compte de tous ces déplacements des politiciens burundis, même que les élections se passeront ici au Burundi, il est très important de songer, de rapatrier le dialogue inter-burundais. Mais aussi, s'il y a des politiciens qui sont en dehors du pays, qui pensent qu'il y a de l'insécurité, c'est la raison pour laquelle on avait demandé, même dans le document produit, qu'il faut prendre des mesures en conséquence qui va bien sûr rassurer tous ces politiciens qui sont dehors une fois arrivés ici au Burundi. Alors pour moi, au niveau du parti Pronalor, nous sommes contents s'il continue même Mukapa. Parce que nous avons même signalé que même à la fin du dialogue, que Mukapa peut continuer à accompagner même dans les élections pour être témoin de l'East Africa, du déroulement des élections ici au Burundi, qu'ils soient les élections référendaires ou les élections générales de 2020. Voilà la position du parti UPRONA. Nous sommes satisfaits que Mukapa continue, que l'East Africa continue à suivre le dialogue, puisque une fois il y aura une autre institution en dehors de l'East Africa, on sera vraiment en dehors de l'étape franchie, parce qu'on commencera à zéro, mais tenant compte de l'étape déjà franchie, on est presque en conclusion. Mais si vous gardez la confiance au niveau du rôle joué par la communauté est-africaine, alors qu'à l'issue de la 4e session, le facilitateur lui-même aurait confié que la même communauté ne soutient pas la facilitation, est-ce que ce n'est pas un peu un paradoxe? Dans ce que j'ai entendu, je n'ai jamais entendu prononcer ce mot. Je m'étonne si de le dire. J'étais dans la salle, je n'ai pas entendu que le médiateur a dit qu'il n'est pas soutenu. C'est impossible, là, je ne le crois pas. Mais ce qu'il a dit, il a dit que lors de la réunion des chefs d'État de la sous-région de l'East African qui va présenter le rapport, leur demander de voir comment encore le soutenir de plus. Davantage. Mais il n'a jamais dit qu'il n'est pas soutenu. Merci. Je me retourne du côté de Pierre-Célestin Dikoumana, député élu au sein de la coalition Amizero Yabarundi. Que dire de l'issue du 19e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, surtout sur le dialogue inter-burundais. Merci beaucoup de la parole. Mais de prime abord, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit l'ambassadeur par rapport à l'avancement ou non du processus. Quand on dit que le processus, le dialogue burundais peine à avancer, pour moi c'est vrai. Il n'y a rien pour moi de paradoxe parce que ça fait déjà combien de temps? Ça fait combien de temps que les sessions se tiennent et que les sessions se terminent en queue de poisson? Dernièrement, par exemple, les gens se sont séparés presque en débandade. Donc il n'y a pas eu de dialogue proprement dit. Il n'y a eu que l'élaboration de deux documents qui ont même eu des conséquences fâcheuses au niveau interne parce qu'il y en a qui ont été connotés de rebelles, etc., etc., alors qu'ils ne l'étaient pas, suite à leurs idées, purement et simplement. Bon, avoir même l'intervalle entre deux sessions, quelque chose, ça démontre qu'il y a quelque chose qui croche, et dire que quand même le dialogue peine à avancer, je crois que c'est vrai, parce qu'on n'a pas de résultats, on se sépare presque en queue de poisson. Les sessions qui sont déjà tenues C'est ce que je remarque, moi. Bon, par rapport à votre question, ma considération d'abord, le problème, ce n'est pas au médiateur. Reconduire le médiateur ou pas, chercher un autre facilitateur ou garder Mukapa, pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la volonté politique des participants à ce dialogue. Si on a reconduit Mukapa, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais là, c'est aussi à nuancer parce qu'on l'a reconduit quand lui-même hésite par rapport à sa mission, quand lui-même a des inquiétudes par rapport à ses prestations. Et bien évidemment, quand il dit qu'il a besoin qu'on l'encourage, qu'on l'aide davantage, si quelqu'un vous dit « je veux que je sois appuyé davantage », c'est que quelque part, il y a un manque. Donc, on l'a reconduit, bien sûr, quand bien quand, vous raisonnez pas, quand lui-même, il n'a pas... réduction, ce que ni Olivier... Non, non, pas du tout, mais c'est ma considération. Quand lui-même n'est pas satisfait de l'état d'avancement du dialogue, le conduire, c'est pas mal, mais il faut bien sûr qu'il y ait d'autres stratégies, de l'appuyer afin qu'il soit rassuré dans sa mission. Parce que si vous partez pour une mission et que vous n'êtes pas sûr de vous-même, le résultat qu'on peut s'attendre ne peut pas être rassurant. Bon, c'est mon point de vue. Par rapport à la décision qui a été prise par le chef d'État de ne pas rapatrier le dialogue au Burundi, moi je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison pourquoi ? Parce que même si mon collègue ici a dit que la plupart des politiciens qui étaient à Arusha étaient venus du Burundi, là aussi il faut se poser des questions. Qui sont les acteurs ? Parce que dans tout conflit, il faut vraiment bien cibler les acteurs. Il ne faut pas partir avec les amis et croire qu'on va faire le dialogue. On ne dialogue pas avec les amis. On dialogue avec les gens avec qui vous avez quelque chose qui vous sépare. Qui vous éloigne l'un de l'autre. On a besoin de rapprochement. C'est un dialogue inter-burundais pour une mission, pour trouver une solution à la crise burundaise. Mais si vous partez avec les amis et que vous dialoguez avec les amis, vous revenez avec les amis, vous n'avez pas de résultat. Alors pour moi, même s'il y avait quelqu'un, une seule personne, qui ne se sent pas rassuré au Burundi, c'est de son droit que le dialogue reste à l'étranger pour que tous les participants se sentent à l'aise, tous les participants se sentent en sécurité, pour que tous les participants travaillent dans la quiétude d'esprit. Alors pour moi, ne pas rapatrier directement le dialogue, c'est vraiment logique, parce qu'on ne rapatrie pas le dialogue au sens vrai du terme, dans ce processus-là. On rapatrie le résultat du dialogue pour la mise en application. C'est comme ça. C'est universel. Voilà, par rapport à ces deux décisions, est-ce que le 19e sommet des chefs d'État de l'EAC a-t-il permis au dialogue d'espérer de prendre un autre élan? Bon, c'est vraiment à nuancer. Ils se sont rendus eux-mêmes compte que le dialogue n'avance pas comme il faut. Cela étant, je crois qu'ils devraient normalement se ressaisir et chercher les causes profondes de cette avancée qui n'est pas vraiment favorable au peuple burundais, parce que nous avons besoin que ces dialogues-là soient clôturés, que la solution à la crise burundaise soit trouvée. Bon, je pense qu'il importe que les chefs d'État se ressaisissent eux-mêmes et appuient le facilitateur, comme le facilitateur lui-même l'a demandé. C'est pas moi qui le dis, c'est le facilitateur qui a apprécié par rapport à ses prestations et qui demande des renforts. Mmh. Il a demandé renforts, c'est-à-dire il a besoin d'être soutenu. Ça démontre bien sûr qu'il y a quelque part quelqu'un qui doit repenser ses stratégies pour appuyer le facilitateur afin qu'il puisse arriver au résultat escompté, à point qu'il puisse justement arriver à un accord. N'office qu'au moins à une feuille de route à mettre en application, à rapatrier au Burundi. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne rapatrie pas les discussions, on rapatrie quand même quelque chose à mettre en application. Voilà. Je vous remercie. Je me retourne du côté d'ambassadeur Willy. Vous avez noté des avancées remarquables au niveau du dialogue inter-burundais à l'extérieur. Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que le médiateur a besoin de plus de soutien? Bon, merci pour la question. Mais je voudrais avant tout lever des confusions, certaines confusions qui sont en l'air et sur cette table et un peu partout, et même dans votre question. Alors, on parle de médiateur, on parle de médiation, on parle de facilitation, on parle de négociation, on parle de dialogue. Je pense que les gens confondent des choses et confondent des époques. Nifodebou a pris comme exemple les négociations d'Arusha de l'époque, a parlé de Nyerere, a parlé de Mandela, et disait voilà, cette époque est différente de celle-ci. Effectivement, c'est différent. Parce que nous étions dans un processus de négociation. Aujourd'hui, il s'agit d'un processus de dialogue. de dialogue inter-burundais. Ici, nous sommes en train de dialoguer. Vous êtes le facilitateur. Vous êtes le facilitateur, monsieur le journaliste, ici, sur cette table. On dialogue tous les jours. Et notre ami Damien Zéro qui dit, on ne dialogue pas avec les amis, on dialogue avec les ennemis. Non, non. Je n'ai pas dit ça. On dialogue, effectivement. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on dialogue avec les ennemis. J'ai dit que, dans le cas d'espèce, ouais, on est en train de chercher une solution à la crise burundaise. Et ce ne sont pas les partis de la mouvance présidentielle et le parti présidentiel qui doivent faire le dialogue pour que la crise soit trouve une solution. Si nous sommes en train de parler de dialogue, le dialogue, c'est à plusieurs parties. C'est que tout le monde est invité à dialoguer. Nous sommes en train de dialoguer ici. Et le dialogue, nous n'avons pas besoin de rapatrier le dialogue. Il se rapatrie de lui-même. On dit que 40 partis politiques qui sont présents à Arusha rentrent aussi au Burundi et poursuivent le dialogue ici. Alors, le processus extérieur est venu en complément au processus intérieur. Il faut que les gens évitent toute utopie dans leur pensée. Parce que, aussi longtemps que les politiciens burundais continueront à confondre les choses, à confondre négociation et dialogue, ils ne pourront jamais avancer ni comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, devons-nous arriver à un accord? Devons-nous arriver à un résultat? Est-ce qu'autour de cette table, nous sortirons avec un résultat? Nous sommes en train de dialoguer pourtant, mais nous ne sommes pas nécessairement obligés de partir avec un résultat ou un consensus nécessairement. Mais le dialogue, c'est un processus qui se poursuit. C'est continuel. Le Burundi est bâti sur ce principe de dialogue. Nous devons toujours dialoguer. Même votre radio Isanganiro est bâtie sur ce principe. C'est notre devise. C'est votre devise. Alors, qu'on rapatrie le dialogue, qu'on ne rapatrie pas le dialogue, il se rapatrie de lui-même parce que le dialogue se poursuit, que ce soit au Burundi ou à l'étranger. Est-ce que Mukapa hésiterait ou aurait hésité? À ma connaissance, non. Il y a eu certains classiques de l'opposition qui ont publié des éléments mensongers sur le facilitateur, qui l'auraient rendu le tablier, mais il y a eu un démenti formel de la facilitation. Et vraiment, je voudrais insister sur ça. Insister sur le fait que certains politiciens burundais croient que Arusha, aller à Arusha, c'est revenir sur une autre forme d'Arusha d'antan. Il y en a même qui ont appelé cela Arusha 2. C'est de là où vient cette confusion. En pensant, en allant à Arusha, ils se disent, nous rentrerons avec un accord. Et de cet accord, peut-être, nous pourrons avoir des postes au gouvernement, comme à l'époque. Non, pas du tout. C'est un processus de dialogue qui est facilité par la communauté de l'Afrique de l'Est. Et ce dialogue se poursuivra. Il ne s'arrêtera pas. Pas seulement aujourd'hui. Même dans 5 ans, même dans 10 ans, les Burundais devront toujours dialoguer pour trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, nous avons Entre-temps, permettez une question. Si l'opposition avec laquelle vous dialoguez s'attend à un consensus, alors que le gouvernement sait bien qu'il n'y a pas vraiment de grandes décisions qui seront prises au niveau du dialogue inter-burundais, au niveau de l'extérieur, pourquoi le gouvernement aujourd'hui continue à vouloir dialoguer avec ces personnes qui s'attendent plus que le gouvernement n'y croit? D'abord, ce n'est pas le gouvernement qui est en train de dialoguer avec des personnes. Je vous ai dit que le dialogue, c'est à plusieurs parties. À plusieurs parties, il y a des partis politiques, c'est une quarantaine. Il y a des organisations de la société civile, nous en avons des milliers. Plus de 6000 aujourd'hui. C'est les journalistes, c'est les hommes d'église, etc. Alors, c'est un dialogue à plusieurs parties. Ce n'est pas un dialogue où on est en train de chercher nécessairement un consensus. Parce que, ici sur cette table, il y a des points de convergence et des points de divergence. Et dans tout appareil démocratique, il y aura toujours des points de convergence et des points de divergence. Et aussi longtemps qu'il y aura... le Burundi sera dans ce système démocratique, le Burundi acceptera toujours qu'il y ait aussi des points de divergence. Alors, le dialoguer pour trouver des solutions consensuelle, d'accord sur certains points. Par exemple, comment nous pouvons organiser les élections de 2020? Comment, par exemple, nous pouvons lutter contre la pauvreté? Et quant au référendum, la modification de la Constitution? Bien entendu, cela est le résultat d'un processus de dialogue qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les provinces, dans toutes les communes. Et les Burundais ont émis le souhait de voir la constitution modifiée. Et aussi, le Burundi doit être en phase avec le traité de la communauté de l'Afrique de l'Est. ainsi que d'autres choses comme essayer de renforcer la, l'indépendance de la justice, essayer de mettre le Burundi en phase avec la période dans laquelle nous sommes, parce qu'à un certain moment, la constitution de 2005 a continué à comporter certains tares qui devraient être élagués aujourd'hui. Je pense que à ce niveau-là, il faut que les gens comprennent que le dialogue reste ouvert et restera ouvert toujours pour que les Burundais continuent à trouver des solutions durables à leurs problèmes. Mosaïque. Je voudrais corriger ce que Honorable a dit et d'autres disent, que nous sommes en train de chercher des solutions à la crise burundaise. Le Burundi n'est pas un pays en crise aujourd'hui. Il n'y a pas de crise politique parce que toutes les institutions sont là, du sommet à la base ou de la base au sommet. Nous ne sommes pas en crise sécuritaire parce qu'il n'y a aucune portion du territoire du Burundi qui est en insécurité. Il n'y a aucun commerce, il n'y a aucune église, il n'y a aucune école qui ne soit ouverte parce que cette région serait en insécurité. Alors, nous n'avons pas de crise sécuritaire, nous n'avons pas de crise politique. Donc, nous sommes en train de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent surgir ou auxquels les Burundais sont confrontés au quotidien, comme tous les autres pays du monde connaissent des problèmes et doivent toujours trouver des solutions durables aux problèmes qui, auxquels ils sont confrontés. Merci. Je me retourne du côté de Pierre Claver Nahimana. Vous faites partie de ceux qui vont à Arusha. Est-ce que vous entendez de la même façon le sens que donné par ambassadeur Willy Nyamitwe sur le dialogue qui vous amène à Arusha? Vous savez, c'est question de vocabulaire. Il ne faut pas qu'on se perde dans le vocabulaire. Dialogue. Mais il y a aussi la question de résultats. Dialogue, négociation. Je vous dis, quand on était dans les négociations d'Arusha avec Mandela et Nyerere, le même problème est revenu. Il y a la France qui disait les Burundais sont à travers, sont dans un dialogue. Ils ne sont pas dans une négociation. C'est ce que l'envoyé de la France disait. Et les médias de Radio France Internationale ont dit cela. Les autres disaient on est dans les négociations. Alors on a dit bon, écoutez, ce vocabulaire-là, on ne va pas s'attacher à celui-là. Ce qui est important, c'est le résultat. C'est le résultat. L'ambassadeur, peut-être qu'il aurait pu aller plus loin, nous expliquer la différence entre la situation actuelle, entre qu'est-ce que c'est le facilitateur, qu'est-ce que c'est le médiateur. Alors, actuellement, on a un médiateur, on a un facilitateur. D'habitude, on a un médiateur lorsqu'il y a un conflit. Mais tant que c'est alors, le dialogue, ça suppose plus le facilitateur que le médiateur. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dit on ne peut pas aller surtout dans une guerre de vocabulaire. Ce qui est important, c'est le résultat. Je donne un exemple. Ici, au Burundi, il y a entre-temps le dialogue entre les syndicats et le gouvernement. Et au bout du compte, on arrive à une entente sur une question donnée qui était conflictuelle et on signe un document d'entente. Est-ce que c'est dialogue? Est-ce que c'est négociation? L'important, c'est ce que, sur quoi l'on s'est entendu. Et dans le cas d'espèce, c'est la même chose. S'il y a des citoyens qui disent, écoutez, là, j'ai un problème, et que les autres disent, non, il n'y a pas de problème, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils parviennent à signer quelque chose, verbalement ou par écrit, c'est toujours ça. C'est ça qu'on recherche. Donc, je ne pense pas que la question de fond soit le problème de vocabulaire. Le problème, c'est les questions de fond qui concernent est-ce qu'il y a des citoyens qui demandent à ce que certains problèmes soient résolus ou pas. Là est le problème. Est-ce Mais qu'il y a général, problème ou il n'y a pas problème? L'ambassadeur répond qu'il n'y a pas de crise politique, qu'il n'y a pas de problème au Burundi, que tout simplement on peut discuter sur certaines questions. Je n'ai pas dit questions. Qu'il n'y a pas de problème au Burundi. J'ai dit que le Burundi est confronté. Mais les Burundais sont confrontés. N'est pas dans une crise politique. À des problèmes, comme tous les autres pays du monde, comme toutes les autres nations du monde, doivent toujours chercher des solutions durables à des problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors, mais dire que le pays est en crise, ça, c'est une exagération. Certainement, les autres nations ont des problèmes, ils ont leurs problèmes. Le Burundi a ses propres problèmes vus par ses citoyens. Donc, maintenant, si les citoyens burundais ne voient pas les problèmes, voient les problèmes différemment, c'est que c'est sérieux. Donc, si au niveau, si vous voyez qu'il y a des citoyens, par exemple, qui sont en dehors du pays, qui disent, écoutez, nous, on n'est pas tranquille à l'intérieur du pays. Ça, ça devient un problème politique. Donc, ça, c'est, on peut dire qu'il y a conflit. Donc, il faut chercher à résoudre ce problème-là. Que vous le résolviez par dialogue, par négociation, résolvez ce problème. Alors, le cadre d'Arusha, conduit par l'EAC, a été mise en place pour essayer d'approcher ce genre de problème politique, je pense. Donc, si les chefs d'État de la région se réunissent pour parler d'un problème burundais, vous n'allez pas dire que ce n'est pas sérieux. Les chefs d'État ne peuvent passer leur temps à discuter sur un problème qui n'est pas sérieux. Donc, je pense que de ce côté-là, il faut quand même mettre une nuance, c'est-à-dire qu'il y a quand même des problèmes et ne pas essayer de les éviter. Là, il parle de la communauté. Les chefs d'État sont en train de parler des problèmes qui se trouvent dans la communauté. Et dans cette communauté, nous n'avons pas dit que c'est au paradis. Dans la communauté est-africaine, il y a nécessairement des problèmes. Et ces problèmes doivent trouver des solutions consensuelles. Mais pour y arriver, il faut nécessairement que la question soit à l'agenda pour que les gens en discutent. Alors, mais il faut vraiment qu'on nuance une chose. Dites-moi comment ils mettent en place un médiateur et un facilitateur pour le Burundi. Ils ne mettent pas un médiateur et un facilitateur pour la Tanzanie, pas pour le Kenya, mais pas pour le Burundi. C'est plus pourquoi profond. Il faudrait nous répondre. Permettez-moi que je réponde rapidement à cette question. Permettez-moi de répondre à cette question parce que ça va vraiment clarifier les choses. Vous savez, qui est un facilitateur et un médiateur, ne pensez pas que c'est ça qui met en exergue une certaine crise qui ne se retrouve actuellement que dans la tête de certaines personnes. Mais c'est parce que tout simplement, il y a eu une certaine démarche politicienne à laquelle il faut trouver finalement une solution. Et la solution, je pense qu'elle a été trouvée. Et c'est celle-ci. Vous savez qu'en 2010, les mauvais perdants se sont réunis, regroupés en ADC et Kibili. On lançait des grenades, on tuait des gens, etc. Et on réclamait de dialoguer avec le parti vainqueur. À cette époque, en 2010, il y a eu la fermeté. On ne dialogue pas avec des criminels. En 2015, ils ont fait la même chose. Ils se sont regroupés en Sénared. Et ils ont fait la même chose, tuer des gens, lancer des grenades, etc. Version plus prononcée que 2010. Mais voilà, il faut accompagner ce monde, petit à petit. Montrer à ce monde que c'est la fermeté, que c'est la loi qui doit être respectée. Le verdict des urnes et la volonté du peuple. Alors petit à petit, en accompagnant ces gens, d'autres rentrent et d'autres restent. Bien entendu à l'extérieur parce que c'est des individus qui savent bien qu'ils ont trempé dans la violence qui a endeuillé le Burundi en 2015 et même les années antérieures. Alors, maintenant, la réponse à cette question, c'est laquelle? Quand il y a des gens qui meurent, quand il y a des médias qui mentent et que des gens fuient en masse, quand il y a aussi toute cette campagne de médisance et de mensonges, cette volonté d'aller vers le regime change, qui, bien entendu, utilise des individus et des citoyens burundais. Et ces puissances qui ont manipulé l'opinion, qui ont manipulé des citoyens burundais, font mettre la pression sur le gouvernement du Burundi pour que le gouvernement accepte de négocier avec ces putschistes, avec ces criminels qui sont en cavale. Alors c'est toute cette pression-là qu'il faut décanter petit à petit avec le temps, mais tout en accompagnant ce processus. Je dis ces choses de la façon la plus franche que possible. Permettez que je passe la parole à l'honorable Pierre Sessin Dikoumana avant de donner la parole à Olivier. Pierre Sessin Dikoumana, est-ce que si ici ambassadeur Willy Nyamitwe parle qu'il n'y a pas vraiment de crise politique, est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je ne suis pas du tout de cet avis. Il n'y a pas vraiment de passer à côté ou de faire des contours pour répondre à votre question. Qu'on l'appelle crise, qu'on l'appelle climat politique malsain, qu'on l'appelle comme n'importe quoi, il y a quand même quelque chose qui croche. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le sens positif. Quand on dit que le Burundi cherche des solutions à des problèmes, comme toutes les autres nations du monde, je suis désolé. Mon collègue ici, il a bien spécifié. Est-ce que la Tanzanie compte des réfugiés au Burundi? Est-ce que la France a des centaines et des centaines de réfugiés en Suisse ou en Allemagne? Donc, il ne faut pas quand même que les gens... Il parle de mensonges. Non, des mensonges. Est-ce qu'il n'y a pas des réfugiés burundais dans toutes ces nations, ici et là? Pour votre information, la France est en état d'urgence jusqu'à ce jour. État d'urgence. Permettez, ambassadeur, j'ai posé la question, honorable qui a la parole. Combien de centaines de milliers de personnes, de Français qui ont fui la France suite au climat politique interne à la France? Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Non, il ne faut pas aussi m'interrompre quand vous dites qu'il y a, par exemple, confusion des termes, etc., etc. Moi, je dois vous rassurer, monsieur l'ambassadeur. Moi, je suis expert dans ces questions de médiation. Je peux vous le prouver, si vous voulez, après le micro. Qu'on l'appelle médiation, qu'on l'appelle dialogue, qu'on l'appelle négociation, qu'on l'appelle n'importe comment, l'essentiel, c'est ce qu'on cherche. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi on est arrivé là. Pourquoi on a cherché un facilitateur? Parce qu'il y avait un problème. Parce qu'il y a la pression. Quelle pression? Ouais. Quelle pression? Est-ce que ce sont les, comme on le dit souvent, bon, les colons qui viennent perturber la situation au Burundi? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ce que nous sommes en train d'endurer sur terrain, les gens qui sont en train d'être emprisonnés parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir sensibilisé pour le non au référendum, ce qui est faux, c'est même de soupçons, est-ce que cela est vraiment dicté par un colon? Il y a des choses, il ne faut pas faire des échappatoires. Et le mal burundais, le problème que nous avons, c'est parce que nous passons à côté du problème central. Et nous avons peur d'affronter nos problèmes. Et s'il faut affronter nos problèmes, nous aurions trouvé des solutions très facilement. Mais quand on dit aujourd'hui, il n'y a aucun problème, et toute la situation est au top, mais par rapport à cette intolérance politique, par rapport à ce climat de méfiance, par rapport à ce désastre économique qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Mais quand même, il faut que nous ayons le courage d'affronter le problème burundais tel qu'il est. C'est alors que nous pourrons trouver une solution. Dire qu'il n'y a pas crise, j'ai dit que question de terminologie pour moi importe peu, mais il y a quand même ce qui a poussé à ces centaines de milliers de Burundais à fuir leur pays. Que ce soit une pression, comme vous le dites, c'est un problème. Que ce soit des problèmes internes, ce sont des problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Alors, quelque part, on a dit que le dialogue externe est la suite du dialogue interne. Dernièrement, je demandais à Olivier qui me disait qu'il avait eu un rapport du dialogue interne-burundais interne. Il m'avait promis ça, mais il ne m'a pas remis. C'est sûr que le rapport... Je te donnerai ça, le rapport n'a pas été publié. Le rapport n'a pas été validé. Ah bon? Et ce rapport-là, les Burundais, là où ils se sont exprimés, j'ai suivi avec intérêt dans différentes communes, au moins dans les communes de ma province natale, ils ont exprimé beaucoup de questions qui hantent le pays. Beaucoup de questions, justement, qui sont à la base de cette crise qui est niée, malheureusement, qu'endure le pays. Et ils se sont exprimés par rapport aux questions de l'économie, ils se sont exprimés par rapport à l'indépendance de la magistrature, etc., etc. Mais on a tiré seulement une seule donnée qu'on a validée. On a dit, bon, les Burundais veulent qu'il y ait changement de la constitution. Comme si tout ce qui a été dit était centré sur ça. Donc, vous voyez, il y a quand même des camouflages de certaines choses. Et dans ces contextes, nous ne pouvons pas bien avancer. Mais si, les Burundais eux-mêmes n'ont pas cette volonté d'affronter leurs problèmes, est-ce que vous pensez que la communauté internationale pourra vraiment aider les Burundais? Absolument pas. C'est ce que je vous ai dit. Changer le médiateur ou pas, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas une minute. C'est ça qui, pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la volonté politique des Burundais eux-mêmes. Et à commencer, bien évidemment, par ceux qui ont le pouvoir. Dans toutes sortes de dialogues, de médiation ou de négociation. Je parle de tous ces termes et que ça ne vous gêne pas. C'est en premier lieu la volonté des acteurs. Et l'acteur clé, c'est celui qui a le pouvoir. C'est fait. Ça, il faut le savoir. Monsieur Olivier, au niveau de l'IPRONA, vous avez une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, c'est effectivement pour rappeler la population burundaise et tous ceux qui nous écoutent l'étape déjà franchie pendant le dialogue. Interne ou externe? Interne et externe. Parce que externe et interne, c'est terminé. On a déjà même donné le rapport. Je me rappelle que je t'ai promis... Que je cherche chaque fois. Ça m'étonne alors que vous avez des membres au gouvernement. Alors, au niveau du gouvernement, on a déjà traité ça. Il ne faut pas mélanger les choses. Olivier m'avait promis ça dernièrement. Il ne m'a pas encore promis. Permettez, je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Oui, au niveau. C'est pas centré. Alors, au niveau de la médiation jusqu'à aujourd'hui, Mukapa a été créé pendant la 4e session. Il a dit, ce que je demande au Burundi, c'est de savoir qu'on est en train de faire un dialogue et non pas négociation. C'est bien écrit. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé aux politiciens de Burundi de tout faire pour effectivement essayer d'établir un cahier de charges qui nous mènera vers les élections de 2020. Le problème qui se trouve à Arusha, effectivement, il y a encore des politiciens qui pensent qu'il faut encore négocier et amener au Burundi un gouvernement de transition, ce qui n'est pas du tout possible pour le moment. Au niveau de ce dialogue à Arusha, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des questions politiques essentielles en suspens qu'il faut vraiment trouver, auxquelles il faut trouver des solutions au niveau de ce dialogue? Oui, il y a des politiciens burundis qui sont en dehors du pays au Burundi, qui ne sont plus ici au Burundi, on a besoin qu'ils rentrent pour continuer à faire leur politique ici à l'interne du pays, qui se sont réfugiés suite au problème politique qui s'est déroulé en 2015. Et on a saisi les pays de la région de l'Est pour effectivement aider le Burundi à sortir à tous ces problèmes. On a mis en place alors le médiateur qui est en train d'être aidé par le facilitateur en grande partie qui est en train de tout faire pour nous aider. Et je pense qu'il y a un élan parce que ça ne nous reste que deux points de divergence. Mais s'il réclame de revenir, c'est qu'il demande en même temps un climat politique et sécuritaire favorable à un tel retour. C'est ça, au niveau de dialogue, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est ça. Ceux qui se trouvent à l'extérieur du pays, ils ont gardé toujours l'image de 2015. Quand l'honorable dit qu'il y a des désastres économiques ici au Burundi, je ne crois pas que c'est des désastres. Il y a des problèmes chaque fois à relever. Il y a vraiment des contraintes politiques, mais ce n'est pas un désastre. Ce sont toutes ces images que ces politiciens gardent. Alors, pendant le dialogue, il faut se rencontrer quelque part, comme Arusha, nous qui sommes ici au Burundi, et eux qui sont à elle, et échanger pour leur donner la vraie image du Burundi pour le moment. Effectivement, il y a des politiciens qui ont pu revenir, comme Alice Nzomukunda et d'autres, après avoir écouté et échangé avec les politiciens qui viennent du Burundi. Bien sûr, tous ces problèmes qui nous mènera vers les élections de 2020, c'est ça ce qu'il faut résoudre avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2018, on va mettre en place la CENI bientôt. Est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement, dans toutes ses activités, doit continuer malgré que le dialogue volet externe n'est pas encore concret? Mais justement, par rapport à ce fonctionnement normal de l'État, quand l'opposition avance un certain forcing de la part du gouvernement, quel est votre avis par rapport à cette position de l'opposition? Je parle comme Iprona, non pas comme celle de l'opposition. Ma position est que chaque fois quand il y a un problème, il faut que tous les politiciens se mettent ensemble pour trouver des solutions. Je suis satisfait que chaque fois quand il y a eu tous ces problèmes, on s'est mis effectivement à table, même à Arusha, même si ça traîne. Au début, on pensait que le volet externe va se terminer et avoir des résultats avant que le référendum ne soit pas mis en marche. Pour le moment, nous sommes dans la période de vote du nouveau projet de la Constitution. La question à se poser, est-ce qu'on va arrêter le vote suite que le volet externe de dialogue n'est pas encore clôturé? Pas du tout, parce que chaque fois quand il y a un dialogue, on va continuer, même après, on continuera, il n'y aura pas de problème. L'essentiel, c'est que le résultat qui sortira de là sera tenu en compte au moment de la mise en application de tous ces points au niveau du gouvernement. Voilà la position. Tant que vous avez la parole, comment alors cheminer rapidement vers une solution à l'issue de ce dialogue extérieur? Au niveau du parti Prona, nous pensons qu'il faut chaque fois clôturer très rapidement ce dialogue, si c'est possible. Mais chaque fois, au niveau des dialogues, il y aura des divergences. Je l'ai dit, en 2005, on a fait les élections de 2005 alors que Guassa était encore en dehors du pays. Ça n'a pas empêché qu'on fasse les élections. Même ici au Burundi, quand il y aura toujours des politiciens qui ne sont pas satisfaits, ça n'empêchera pas que les politiciens qui comprennent, nous pouvons continuer et le gouvernement, ça sera le rôle du gouvernement qui sera en place de continuer à négocier avec tous ces politiciens qui ne seront pas satisfaits. Voilà la position du parti Prona. Pierre Célestin Ndikumana, nous sommes vers la fin de cette émission. Vous évoquez qu'il y a beaucoup de questions à suspens qu'il faut vraiment seulement résoudre par ce dialogue extérieur, mais comment arriver à une solution rapide afin que tous ces problèmes soient vidés. Mais de prime abord, il faut une chose, il faut clarifier une chose avant de donner mes propositions par rapport à la solution qu'il faut. On ne résout jamais les problèmes dans une situation de soumission. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours imploré mes chers compatriotes burundais de ne pas copier les antivaleurs. Si ici on donne les exemples, bon, on a avancé sans tel autre, sans tel autre, mais où est-ce qu'on est arrivé finalement, au finish, quel a été le résultat? Quand on donnait les exemples de 2005, on a passé des élections, quand Guassa était dans le Baki, etc., etc. Bon, c'est un confrère, je le connais, Olivier. Je sais ce qu'il pense, des fois, parce que... Vous avez entendu l'ambassadeur quand il vous expliquait qu'il était vraiment ferme par rapport à ses propos. Je dois vous dire, et lui-même, il est sur la table, il m'écoute, qu'en copiant les antivaleurs, en copiant les échecs du passé, nous aurons toujours les mêmes résultats. Et quels résultats? Ces problèmes, qu'on appelle crise, qu'on appelle climat politique, Marseille, qu'on l'appelle comment, mais c'est un problème quand même, qui est là, à laquelle nous sommes en train de chercher une solution. Nous sommes en train de nous débattre pour trouver une solution. C'était ça qu'il fallait d'abord clarifier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut que les gens aient en tête que la soumission n'est pas une solution. Ça crée plutôt des frustrations et difficiles à gérer dans le futur. Et là, je parle en tant que psychologue. Je suis politicien, mais en même temps, je ne suis pas loin de ma science. La soumission est toujours négative. Et en politique, c'est encore le pire. Je peux m'incliner devant toi aujourd'hui parce que je trouve que tu peux même me dévorer. Je mets ça entre guillemets. Si ce n'est pas un terme adéquat, je m'en excuse pour les auditeurs. Si aujourd'hui, je peux me sentir que je peux être dévoré, je peux m'incliner. Mais demain, si je trouve une occasion et que je trouve que la menace n'est pas réelle, alors on ressuscite avec d'autres idées. Alors je conseillerais que les gens n'encouragent pas la soumission des hommes politiques, qu'ils soient à l'externe ou à l'interne, parce que c'est la tendance que je vois. Et c'est dommage. Alors, comme solution, pour que le dialogue, comme tu me le dis, comme tu nous le poses comme question, pour que le dialogue prenne encore un élan, c'est d'abord ce que j'ai dit, et je le répète parce que c'est fondamental, c'est la volonté des acteurs. Ça, c'est un. Il faut qu'il y ait la volonté. Parce que dernièrement, on a été là, mais il n'y a pas eu une séance de confrontation des idées, parce que de choc des idées jaillit la lumière, comme le disent les Français. Il fallait quand même qu'il y ait cette séance-là pour que les gens harmonisent les approches, trouvent une certaine solution, j'allais dire à la crise, parce que l'ambassadeur va se sentir mal à l'aise, pour trouver une solution à ce climat marseillais. Deuxième solution, qui va dans le dialogue? Vous allez me dire, bon, tu donnes une solution par une question. Ça, c'est fondamental aussi. Les acteurs, le choix des acteurs. Vous ne pouvez pas aller à un ami. C'est comme une promenade. Le dialogue qui a été organisé à Arusha, ce n'était pas une promenade. On est allé chercher une solution à un problème quelconque. Donc, il faut un bon choix des acteurs. Parce que dernièrement, bon, il y avait beaucoup de partis, mais ils se sont regroupés très facilement en deux groupes. Vous comprenez qu'on pouvait même prendre juste le parti, deux ou trois partis, et ça pouvait marcher. Le choix des acteurs. Mais ce n'est pas, bien sûr, aux acteurs de se choisir, c'est aux médiateurs de le faire. Même s'il n'est pas en train de nous écouter, je sais que l'ambassadeur, il est très communicatif. Il peut lui donner un coup de soutien pour lui suggérer ça. Afin qu'on, j'allais dire négocier, parce que c'est un thème aussi qui va créer confusion ici, afin que ceux qui participent dans ce dialogue-là soient de vrais acteurs, des décideurs qui peuvent influencer le changement. Troisième chose, ne pas négliger la situation à laquelle nous sommes. Merci. Me retourne du côté de Pierre Clavé, Naïman, ambassadeur Willy. Vous aurez la parole. Il n'y a pas de problème. Même les derniers seront les premiers. Pierre Clavé, Naïman, au niveau du Frodebo, comment vous envisagez le dialogue d'Arusha vu ce qui se passe aujourd'hui et les différentes positions des acteurs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce dialogue se clôture et puisse cheminer vers une solution au problème burundais? Je veux parler du dialogue inter-burundais, non pas seulement du dialogue d'Arusha. Vous savez, si vous regardez les conflits politiques, que ce soit au Burundi ou dans d'autres pays, souvent, ils sont alimentés par des problèmes sociaux, des problèmes de pauvreté, surtout dans les pays du tiers-monde. Alors, c'est souvent d'autres problèmes qui se cachent derrière. Il y en a qui disent, écoutez, l'autre, il est en train de manger sans me donner, et il le traite de tous les noms, il dit c'est un diable, L'autre, vous visez l'ambassadeur? Non, je ne vise pas l'ambassadeur. Non, pas du tout, je parle d'une façon générale. Donc l'autre dit, mais celui-là, c'est un criminel, alors qu'il est en train de demander de quoi manger. Donc vous voyez, donc, c'est des problèmes de ce genre qui souvent nourrissent les conflits. Donc la première solution d'abord, c'est d'essayer de résoudre dans un pays ou dans une organisation, d'abord d'essayer de résoudre ces problèmes-là qui nourrissent les conflits politiques. Si vous ne les résolvez pas, vous aurez beau choisir des médiateurs, des facilitateurs, vous aurez beau dialoguer, si vous n'essayez pas de résoudre ces problèmes-là, le conflit, il va continuer, c'est comme ça. Donc, le problème burundais tel qu'au niveau du Frodebu, nous le voyons, ce n'est pas un problème que vous pouvez résoudre à court terme, comme ça, de façon brusque. Non. Vous rejoignez l'idée donc, de l'ambassadeur, oui. Il y aura toujours de problèmes à traiter, mais que le dialogue s'impose. Laissez-moi m'exprimer. Mmh. C'est un problème qu'on doit résoudre au fur et à mesure. Si vous observez les médiations internationales, même la médiation de l'East Africa, même si on a porté l'ONU, on voit que ces médiations-là ont des limites. C'est très clair. Les Burundais doivent le comprendre. Souvent, vous demandez à des gens qui ont leurs propres problèmes, leurs propres conflits politiques, leurs propres problèmes sociaux, de résoudre votre problème. Et au bout du compte, vous vous retrouvez dans une situation très délicate. C'est ce qu'on est en train de constater. J'ai dit que la médiation de l'East Africa, elle montre des limites. Si même on a porté l'ONU, je pense qu'il peut y avoir des limites. Je ne dis pas qu'il faut les enlever. Non, il faut qu'ils restent. Mais je vais m'orienter vers où. Ça veut dire qu'il faut commencer effectivement à développer des initiatives internes un peu partout. Il faut développer des initiatives internes, essayer, même si c'est difficile, on sait que c'est difficile, il faut développer ces initiatives internes pour essayer de faire bouger la montagne. C'est ce qu'il faut le faire. On sait que à côté du dialogue politique proprement dit, il y a d'autres initiatives qui sont en cours, notamment la commission Vérité et Réconciliation. La fois dernière, on a vu des personnalités qui étaient réunies autour d'un sujet au sein de la CNR, et c'était vraiment un dialogue très franc, très, très clair. Et là, personne n'a dit, écoutez, je ne reconnais pas celui-là. Non. Ils se sont affrontés. Donc, il faut multiplier les initiatives de ce genre. Comme ça, on va combiner les initiatives externes et les initiatives internes. C'est ça notre vision. C'est ça notre vision du problème. Et comme ça, progressivement, on pourra peut-être arriver à voir la lumière dans ce qui nous touche ici au Burundi. Merci. Je donne la parole à l'ambassadeur Willy Nyamitwe. On sait que malgré toutes les positions divergentes, le gouvernement a cette responsabilité de bouger pour résoudre tout problème qui se manifeste dans le pays. Comment justement le gouvernement peut contribuer pour que ce dialogue puisse cheminer vers une solution? Le gouvernement a la responsabilité de trouver justement des solutions et de se faire aider par toute la population, par toute personne qui peut apporter des contributions. Et vous voyez même que sur cette table, nous sommes arrivés à des points de convergence, même si nous avons commencé étant divergents. Nous sommes entendus qu'il y aura toujours des problèmes et que le dialogue, c'est un processus permanent. Nous sommes entendus qu'il faut développer des initiatives internes pour essayer de faire bouger la montagne, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec ça. Mais il y a honorable bien sûr, pour renforcer le dynamisme qui craint la soumission. Et justement, j'y arriverai. Et nous sommes tous entendus qu'il y aura toujours des problèmes et qu'il faut combiner les initiatives externes avec les initiatives internes, n'est-ce pas? Parce que le dialogue, le processus extérieur vient en complément au processus intérieur et aussi, surtout, qu'il faut toujours chercher des solutions. D'abord, comprendre, pour avoir des solutions, il faut d'abord comprendre les problèmes qui nourrissent les conflits politiques, n'est-ce pas, honorable? C'est ce que vous nous avez dit et je suis d'accord avec ça. Effectivement, nous avons compris que les problèmes surgissent souvent à la veille ou au lendemain des élections. Et c'est toujours le refus d'une certaine classe politique, le refus du verdict des urnes. Alors, comme on a fait en 2010, la fermeté, refus de lâcher prise, En 2015, nous avons aussi appliqué la fermeté. Ça veut dire qu'en 2020, il n'y a personne qui ira créer de l'insécurité, lancer des grenades et tuer des gens pour espérer d'être invité sur une table de dialogue. Donc au moins 2020, 2025 et les années qui suivront, toutes les élections qui suivront, c'est-à-dire que les Burundais auront compris qu'il n'y a aucun gouvernement qui acceptera de s'asseoir sur la même table de dialogue ou de négociation avec des putschistes. Alors, pour répondre à la soumission évoquée par lui, comme il est psychologue, je voudrais qu'il essaie de nous aider à comprendre. En utilisant la science, justement, en utilisant la science, parce que la politique est aussi une science, même si c'est pas une science exacte. Je pense que vous savez que si on parle de science sans conscience, on n'est que ruine de l'âme. Et c'est de nous expliquer comment et pourquoi les mêmes acteurs de la DC qui ont fermé le CNARED, auquel n'a pas souscrit Agathon Rwasa, qui a fait Amizero Yabarundi. Et c'est de nous expliquer toute cette transhumance politicienne qu'on remarque dans notre pays. Et surtout, pourquoi les politiciens en 2015, en 2013 de l'opposition, les politiciens disaient qu'ils allaient s'aligner derrière un seul candidat en 2015 et qu'on s'est retrouvé avec 8 candidats à la présidentielle de 2015. Alors, finalement, nous avons... J'en conclus avec vous qu'il y a une crise, mais une crise de confiance ancrée dans le fort intérieur de certains individus. Et qui crée une crise généralisée et une crise qui provoque... Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Alors, Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pourrez mettre en exergue qui ne seront pas tenus en compte dans cette émission. Peut-être que ça vaudra une autre émission pour débattre de toutes ces questions. Mais on était sur la dernière question avec l'ambassadeur Willinya Mitwe. Mais quelle est la contribution du gouvernement par rapport à ce dialogue pour trouver une solution? J'ai répondu dans mon introduction de la dernière réponse que le gouvernement tout gouvernement du monde a la responsabilité de protéger sa population, a la responsabilité de trouver des solutions adéquates à tous les problèmes qui surgissent. Alors servir le peuple, c'est ne pas aussi entraîner le peuple vers un mauvais chemin. La mauvaise voie, celle du refus de la souveraineté, celle du déni de la fierté nationale. Pierre Claver l'a bien dit, nous devons tout faire pour renforcer le dynamisme intérieur. Et le dynamisme intérieur doit commencer par des systèmes politiques forts, et non pas des systèmes politiques qui sont centrés sur des individus. Vous entendrez parler de CNDD Yanyangoma, du FNL Tel, ou d'Amizero Yagwasa. Ça, il faut qu'on parvienne à évoluer, chers amis, pour qu'on parvienne à renforcer notre démocratie en renforçant un dynamisme intérieur fort pour que nous puissions bâtir notre nation. Et je pense que c'est clair, nous avons commencé étant en pleine divergence et nous terminons en pleine convergence sur un certain pas nombre de questions. Pas pleine convergence, parce qu'il y a quand même quelques points de divergence. Je vous remercie. Permettez, honorable Pierre Célestin, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, mais que l'émission prenne fin. Je vous remercie à nos auditeurs. Je rappelle que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui était consacrée à l'avenir du dialogue extérieur inter-burundais au regard de la position des chefs d'État de la communauté est-africaine à l'issue du 19e sommet tenu en Ouganda. Je remercie nos quatre invités autour du plateau. Ambassadeur Willinya Mitwe, conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République, merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, monsieur le journaliste et facilitateur de ce dialogue qui nous a permis d'arriver à un point de consensus. Merci. Je dis également merci à Pierre Claver Nahimana, secrétaire général du parti Sarwanya Frodebu. Merci d'avoir été des nôtres dans ce débat mosaïque. Merci, c'était tout un plaisir de discuter avec ces honorables sur ces questions qui vraiment intéressent hautement notre pays. J'espère qu'on aura encore une occasion d'y revenir et je vous remercie. Merci également à Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti IPRONA. Merci d'avoir pris part à ce débat mosaïque. Et moi aussi, je vous remercie et je pense que effectivement tous les Burundis mais aussi croit que vers 2020 on sera dans les élections, tous, quels que soient ceux qui sont dehors, du pays, en dehors du pays, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur, on aura trouvé des solutions, je pense. Espérons. Je dis également merci à Pierre-Célestin Dikoumana, député élu au sein de la coalition Ami Zero Yabarundi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, tout en espérant que les Burundais vont quand même faire un effort pour ne pas nier leurs problèmes au nom de la souveraineté, mais plutôt qu'ils les affrontent pour trouver des solutions. Merci. Ah, merci. À l'animation de l'émission Mosaïque, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro. Jérôme Nyonzima a assuré la réalisation. Eric Wimana a assuré la technique. À vous tous à l'écoute, nous vous souhaitons de continuer à suivre la radio Isanganiro. Mosaïque.